Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation, Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. Cinquième épisode. À l'occasion d'une visite du roi de France à Verrières, Madame de Rênal obtient une place de garde d'honneur et un uniforme éclatant pour Julien. Lors de la cérémonie, Julien rencontre le jeune évêque d'Agde et le marquis de La Mole. Peu après, le jeune fils de Madame de Rênal tombe gravement malade. Madame de Rênal y voit une sanction divine à sa relation coupable avec Julien et s'en tient pour responsable. C'est à ce moment-là que Julien surprend M. de Rênal, recevant une lettre anonyme. Le lendemain, de fort bonne heure, la cuisinière qui protégeait Julien lui apporta un livre sur la couverture duquel il lut ces mots en italien. « Guardate alla pagina 130 ». Julien frémit de l'imprudence, chercha la page et y trouva attachée avec une épingle la lettre suivante, écrite à la hâte, baignée de larmes et sans la moindre orthographe. Ordinairement, Madame de Rênal la mettait fort bien. Il fut touché de ce détail et oublia un peu l'imprudence effroyable. « Demain, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de lettre anonyme, moi aussi je dirai à mon mari que j'ai reçu une lettre anonyme et qu'il faut à l'instant te faire un pont d'or, trouver quelque prétexte honnête et sans délai te renvoyer à tes parents. Hélas, cher ami, nous allons être séparés 15 jours, un mois peut-être. Tout le but de ma conduite, c'est de faire penser à mon mari que la lettre vient de M. Valenod. Si tu quittes la maison, ne manque pas d'aller t'établir à Verrières. Lie-toi d'amitié avec tout le monde, même avec les libéraux. Je sais que toutes ces dames te rechercheront. Ne va pas te fâcher avec M. Valenod. L'essentiel est que l'on croit que tu vas entrer chez le Valenod ou chez tout autre, pour l'éducation des enfants. Voilà ce que mon mari ne souffrira jamais. Dut-il s'y résoudre ? Eh bien, au moins tu habiteras Verrières, et je te verrai quelquefois. Mes enfants qui t'aiment tant iront te voir. Grand Dieu ! Je sens que j'aime mieux mes enfants parce qu'ils t'aiment. Je m'égare. Enfin, tu comprends ta conduite. Sois doux, poli, point méprisant, avec ces grossiers personnages, je te le demande à genoux. Ils vont être les arbitres de notre sort. Ne doute pas un instant que mon mari ne se conforme à ton égard, à ce que lui prescrira l'opinion publique. C'est toi qui vas me fournir la lettre anonyme. Coupe dans un livre les mots que tu vas voir. Colle-les ensuite avec de la colle à bouche sur la feuille de papier bleuâtre que je t'envoie. Elle me vient de M. Valenod. Pour épargner ta peine, j'ai fait la lettre anonyme trop courte. Hélas, si tu ne m'aimes plus comme je le crains, que la mienne doit te sembler longue. La lettre anonyme écrite par Madame de Rênal disait « Toutes vos petites menées sont connues, mais les personnes qui ont intérêt à les réprimer sont averties. Par un reste d'amitié pour vous, je vous engage à vous détacher totalement du petit paysan. Si vous êtes assez sage pour cela, votre mari croira que la vie qu'il a reçue le trompe et on lui laissera son erreur. Songez que j'ai votre secret. Il faut, à cette heure, marcher droit devant moi. » Dès que tu auras fini de coller les mots, y as-tu reconnu les façons de parler du directeur ? Sors dans la maison, je te rencontrerai. J'irai dans le village et reviendrai avec un visage troublé. Grand Dieu, qu'est-ce que je hasarde ? Et tout cela parce que tu as cru deviner une lettre anonyme. Enfin, avec un visage renversé, je donnerai à mon mari cette lettre. Toi, va te promener sur le chemin des grands bois avec les enfants. Du haut des rochers, tu peux voir la tour du Colombier. Si nos affaires vont bien, j'y placerai un mouchoir blanc. Depuis l'instant qu'il avait ouvert la lettre anonyme, l'existence de M. de Rênal avait été affreuse. Un homme aurait-il dicté cette lettre ? Il était jalousé et sans doute haï de la plupart de ceux qu'il connaissait. Quel malheur est comparable au mien? Quel isolement! Est-il possible que dans mon infortune, je n'ai pas un ami à qui demander conseil? Car ma raison s'égare, je le sens. Je suis accoutumé à Louise, elle sait toutes mes affaires. Je serai libre de me marier demain que je ne trouverai pas à la remplacer. Mais quoi? Souffrirais-je comme si j'étais un homme de rien? Un va-nu-pied? Qu'elle se moque de moi avec son amant? Faudra-t-il que tout Verrières fasse des gorges chaudes sur ma débonnaireté? Je puis surprendre ce petit paysan avec ma femme et les tuer tous les deux. Dans ce cas, le tragique de l'aventure en ôtera peut-être le ridicule. Si je ne tue pas ma femme et que je la chasse avec ignominie, elle a sa tante à Besançon qui lui donnera de main à la main toute sa fortune. Ma femme ira vivre à Paris avec Julien. On le saura à Verrières. Et je serai encore pris pour dupe. Cet homme malheureux s'aperçut alors à la pâleur de sa lampe que le jour commençait à paraître. Il alla chercher un peu d'air frais au jardin. La promenade le calma un peu. Non, je ne me priverai point de ma femme. Elle m'est trop utile. Ne vaudrait-il pas mieux m'en tenir aux soupçons et ne rien vérifier? Dieu! Que ma femme n'est-elle morte? Alors je serais inattaquable au ridicule. Que ne suis-je veuf? J'irai passer 6 mois à Paris dans les meilleures sociétés. Après tant d'heures d'incertitude, au détour d'une allée, il rencontra cette femme qu'il eût voulu voir morte. Elle revenait du village. Madame de Rênal était allée entendre la messe dans l'église de Vergy. Elle se figurait sans cesse son mari tuant Julien à la chasse, comme par accident, et ensuite, le soir, lui faisant manger son cœur. Elle retrouva le calme, comme par enchantement, en entrant au jardin et voyant de loin son mari. Ses cheveux et ses habits en désordre annonçaient qu'il n'avait pas dormi. Elle lui remit une lettre décachetée, mais repliée. Voici une abomination qu'un homme de mauvaise mine, qui prétend vous connaître, m'a remise comme je passais derrière le jardin du notaire. J'exige une chose de vous, c'est que vous renvoyiez à ses parents et sans délai ce monsieur Julien. Elle fut saisie de joie en voyant celle qu'elle causait à son mari. Elle comprit que Julien avait deviné juste. Quel génie, quel tact parfait. Et dans un jeune homme encore sans aucune expérience. À quoi n'arrivera-t-il pas par la suite? Hélas, alors ses succès feront qu'il m'oubliera. Je n'ai pas été indigne de Julien. Il s'agit de prendre un parti et de renvoyer Julien. Vous le dédommagerez par quelques écus. Et d'ailleurs, il est savant et trouvera facilement à se placer. Par exemple, chez Monsieur Valneau ou chez le sous-préfet de Maugiron, qui ont des enfants. Ainsi, vous ne lui ferez point de tort. Vous parlez là comme une sotte que vous êtes. Quel bon sens peut-on espérer d'une femme? Votre nonchalance, votre paresse ne vous donne d'activité que pour la chasse aux papillons. Madame de Rênal le laissait dire, et il dit longtemps. Il passait sa colère. Monsieur, c'est le mot du pays. Quand j'ai lu ce papier abominable, je me suis promis que lui ou moi sortirions de votre maison. Voulez-vous faire un esclandre pour me déshonorer, et vous aussi? Vous faites bouillir du lait à bien des gens dans Verrières. Eh bien, je vais engager Julien à vous demander un congé. Pour aller passer un mois chez ce marchand de bois de la montagne, digne ami de ce petit ouvrier. Gardez-vous d'agir. Ce que j'exige avant tout, c'est que vous ne lui parliez pas. Vous y mettriez de la colère et me brouilleriez avec lui. Ce n'est au fond qu'un véritable paysan. Pour moi, je n'en ai jamais eu bonne idée depuis qu'il a refusé d'épouser Elisa. C'était une fortune assurée. Et cela sous prétexte que quelquefois, en secret, elle fait des visites à Monsieur Valneau. Ah! Julien vous a dit cela. Il se passe chez moi des choses que j'ignore. Comment? Il y a eu quelque chose entre Elisa et Valneau? C'est de l'histoire ancienne, mon cher ami. Et peut-être Il ne s'est point passé de mal. C'était dans le temps que votre bon ami Valneau n'aurait pas été fâché que l'on pensât dans Verrières qu'il s'établissait entre lui et moi un petit amour tout platonique. J'ai eu cette idée une fois, et vous ne m'en avez rien dit. Où est la femme de la société à laquelle il n'a pas adressé quelques lettres extrêmement spirituelles, et même un peu galantes? Il vous aura écrit? Il écrit beaucoup. Montrez-moi ces lettres à l'instant, je l'ordonne. Me jurez-vous de n'avoir jamais de querelle avec le directeur du dépôt au sujet de ces lettres? Je puis lui ôter les enfants trouvés. Je veux ces lettres. Où sont-elles? Dans un tiroir de mon secrétaire. Mais certes, je ne vous en donnerai pas la clé. Je saurai le briser. Madame de Rênal avait monté en courant les 120 marches du colombier. Elle attachait le coin d'un mouchoir blanc à l'un des barreaux de fer de la petite fenêtre. Elle était la plus heureuse des femmes. Elle ne descendit du colombier que quand elle eut peur que son mari ne vînt l'y chercher. La lettre imprimée et les lettres de Valneau sont écrites sur le même papier. La bataille était désormais gagnée. Elle eut beaucoup à faire pour empêcher M. de Rênal d'aller parler à l'auteur supposé de la lettre anonyme. Une ou deux fois, elle fut sur le point d'éprouver quelque sympathie pour le malheur fort réel de cet homme qui, pendant 12 ans, avait été son ami. Mais les vraies passions sont égoïstes. D'ailleurs, elle attendait à chaque instant l'aveu de la lettre anonyme qu'il avait reçue la veille, et cet aveu ne vint point. Le sentiment du danger fut vivement réveillé chez Madame de Rênal à son retour chez elle. Elle fut choquée du désordre où elle trouva sa chambre. Les serrures de tous ses jolis petits coffres avaient été brisées. Plusieurs feuilles du parquet étaient soulevées. Il eût été sans pitié pour moi. Un peu avant la cloche du dîner, Julien rentra avec les enfants. Au dessert, quand les domestiques se furent retirés, elle lui dit « Vous m'avez témoigné le désir d'aller passer une quinzaine de jours à Verrières. Monsieur de Rênal veut bien vous accorder un congé. Mais pour que les enfants ne perdent pas leur temps, chaque jour on vous enverra leur thème, que vous corrigerez. » « Certainement. Je ne vous accorderai pas plus d'une semaine. » Julien trouva sur sa physionomie l'inquiétude d'un homme profondément tourmenté. Pendant un instant de solitude qu'ils eurent au salon, Madame de Rênal lui conta rapidement tout ce qu'elle avait fait depuis le matin. À cette nuit, les détails. Je vous trouve à la fois éclairée et aveuglée par votre amour. Y a-t-il de la prudence à essayer de nous voir ce soir? Cette maison est pavée d'ennemis. Songez à la haine passionnée qu'Elisa a pour moi. Si le hasard veut que Monsieur de Rênal parle à Elisa d'un mot, elle peut tout lui apprendre. Pourquoi ne se cacherait-il pas près de ma chambre, bien armée? Quoi? Pas même du courage? Je ne m'abaisserai jamais à parler de mon courage. Que le monde juge sur les faits. Mais vous ne concevez pas combien je vous suis attaché. Et quelle est ma joie de pouvoir prendre congé de vous avant cette cruelle absence. À peine arrivé à Verrières, Julien se reprocha son injustice envers Madame de Rênal. Je l'aurais méprisée si, par faiblesse, elle avait manqué sa scène avec Monsieur de Rênal. Elle s'en tire comme un diplomate. Et je sympathise avec le vaincu qui est mon ennemi. Il y a dans mon fait petitesse bourgeoise. Ma vanité est choquée parce que Monsieur de Rênal est un homme, illustre et vaste corporation à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Je ne suis qu'un sot. Monsieur Chélan avait refusé les logements que les libéraux les plus considérés du pays lui avaient offerts à l'envi lorsque sa destitution le chassa du presbytère. Les deux chambres qu'il avait louées étaient encombrées par ses livres. Julien, voulant montrer à Verrières ce que c'était qu'un prêtre, alla prendre chez son père une douzaine de planches de sapin qu'il porta lui-même sur le dos tout le long de la grande rue. Il emprunta des outils à un ancien camarade et eut bientôt bâti une sorte de bibliothèque dans laquelle il rangea les livres de Monsieur Chélan. Je te croyais corrompu par la vanité du monde. Voilà qui rachète bien l'enfantillage de ce brillant uniforme de garde d'honneur qui t'a fait tant d'ennemis. Monsieur de Rênal avait ordonné à Julien de loger chez lui. Personne ne soupçonna ce qui s'était passé. Le troisième jour après son arrivée, Julien vit monter jusque dans sa chambre Monsieur le sous-préfet de Maugiron. Ce ne fut qu'après deux grandes heures de jérémiades sur la méchanceté des hommes, sur le peu de probité des gens chargés de l'administration des deniers publics, sur les dangers de cette pauvre France, etc., etc., que Julien vit poindre enfin le sujet de la visite. Monsieur de Maugiron lui proposait de quitter Monsieur de Rênal et d'entrer chez un fonctionnaire qui avait des enfants à éduquer. Sa réponse fut parfaite. Elle laissait tout entendre et cependant ne disait rien nettement. Ce sous-préfet, étonné de trouver plus jésuite que lui, essaya vainement d'obtenir quelque chose de précis. À peine Monsieur de Maugiron sorti, Julien se mit à rire comme un fou. Pour profiter de sa verve jésuitique, il écrivit une lettre de 9 pages à Monsieur de Rênal, dans laquelle il lui rendait compte de tout ce qu'on lui avait dit et lui demandait humblement conseil. Ce coquin ne m'a pourtant pas dit le nom de la personne qui fait l'offre. Ce sera Monsieur Valnaud qui voit dans mon exil à Verrières l'effet de sa lettre anonyme. Sa dépêche expédiée, Julien sortit pour aller demander conseil à Monsieur Chélan. Mais avant d'arriver chez le bon curé, le ciel jeta sous ses pas Monsieur Valnaud, auquel il ne cacha point que son cœur était déchiré. Un pauvre garçon comme lui se devait tout entier à la vocation que le ciel avait placée dans son cœur, mais la vocation n'était pas tout dans ce bas monde. Julien atteignit un tel degré de perfection dans ce genre d'éloquence qui a remplacé la rapidité d'action de l'Empire, qu'il finit par s'ennuyer lui-même par le son de ses paroles. En rentrant, il trouva un valet de M. Valnaud en grande livrée, avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour 1 heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès 12h30 dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt. Il le trouva, étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Il demanda l'honneur d'être présenté à Mme Valnaud. Elle était à sa toilette. Par compensation, il eut l'avantage d'assister à celle de Monsieur le directeur. On passa ensuite chez Madame Valnaud qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l'une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d'homme à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. On lui fit visiter la maison. Tout y était magnifique et neuf et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Le percepteur des contributions, l'homme des impositions indirectes, l'officier de gendarmerie et 2 ou 3 autres fonctionnaires arrivèrent avec leurs femmes. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort mal disposé, vint à penser que, de l'autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient 2 pauvres détenus. Sur la portion de viande desquelles on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Ils ont faim, peut-être, en ce moment. Sa gorge se serra. Il lui fut impossible de manger et presque de parler. On entendait de loin en loin quelques accents d'une chanson populaire. Monsieur Valnaud regarda un de ses gens en grande livrée qui disparut, et bientôt, on n'entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du Rhin, dans un verre vert, et Madame Valnaud avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait 9 francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à Monsieur Valnaud: on ne chante plus cette vilaine chanson. Parbleu, je le crois bien, j'ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Julien. Il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie, si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il fallut cependant, d'après les ordres de Madame de Rênal, assister à plusieurs dîners du même genre. Julien fut à la mode. On lui pardonnait son habit de garde d'honneur, ou plutôt, cette imprudence était la cause véritable de ses succès. Bientôt, il ne fut plus question dans Verrières que de voir qui l'emporterait dans la lutte pour obtenir le savant jeune homme, de Monsieur de Rênal ou du directeur du dépôt. Un matin, il fut bien surpris de se sentir réveillé par 2 mains qui lui fermaient les yeux. C'était Madame de Rênal qui, montant les escaliers 4 à 4 et laissant ses enfants occupés d'un lapin favori qui était du voyage, était parvenue à la chambre de Julien un instant avant eux. Ce moment fut délicieux, mais bien court. Julien fit bon accueil à tous, même au lapin. Il lui semblait retrouver sa famille. Il sentit qu'il aimait ses enfants. Il était étonné de la douceur de leur voix, de la simplicité et de la noblesse de leur petite façon. Vous autres nobles, vous avez raison d'être fiers. Et il racontait à Madame de Rênal tous les dîners qu'il avait subis. Vous êtes donc à la mode. Le déjeuner fut délicieux. Tout à coup, la porte s'ouvrit. C'était Monsieur de Rênal. Sa figure sévère et mécontente fit un étrange contraste avec la douce joie que sa présence chassait. Comme sa femme lui vantait la manière remplie de grâce et d'esprit avec laquelle Julien donnait des idées nouvelles à ses élèves. Oui. Oui, je le sais. Il me rend odieux à mes enfants. Il lui est bien aisé d'être pour eux 100 fois plus aimable que moi, qui, au fond, suis le maître. Tout tend dans ce siècle à jeter de l'odieux sur l'autorité légitime. Pauvre France. Madame de Rênal ne s'arrêta point à examiner les nuances de l'accueil que lui faisait son mari. Elle venait d'entrevoir la possibilité de passer 12 heures avec Julien. Elle avait une foule d'emplettes à faire à la ville et déclara qu'elle voulait absolument aller dîner au cabaret. Quoi que pût dire ou faire son mari, elle tint à son idée. Les enfants étaient ravis de ce seul mot « cabaret » que prononce avec tant de plaisir la pruderie moderne. Monsieur de Rênal laissa sa femme dans la première boutique de nouveautés où elle entra. Il revint plus morose que le matin. Il était convaincu que toute la ville s'occupait de lui et de Julien. Monsieur Valneau, ce directeur, qui rencontra Monsieur de Rênal, lui battit froid. Cette conduite n'était pas sans habileté. Il y a peu d'étourderies en province. Les sensations y sont si rares qu'on les coule à fond. Monsieur Valneau était ce qu'on appelle à 100 lieues de Paris un pharaon. C'est une espèce d'un naturel effronté et grossier. Son existence triomphante depuis 1815 avait renforcé ses belles dispositions. Il régnait, pour ainsi dire, à Verrières sous les ordres de Monsieur de Rênal, mais beaucoup plus actif, ne rougissant de rien, se mêlant de tout. Il avait fini par balancer le crédit de son maître aux yeux du pouvoir ecclésiastique. Monsieur Valneau essayait d'éloigner une scène décisive avec son ancien patron en prenant lui-même l'air audacieux envers lui. Ce jour-là, ce système réussit, mais augmenta l'humeur du maire. Jamais la vanité aux prises avec tout ce que le petit amour de l'argent peut avoir de plus âpre et de plus mesquin n'ont mis un homme dans un plus piètre état que celui où se trouvait Monsieur de Rênal en entrant au cabaret. Jamais, au contraire, ses enfants n'avaient été plus joyeux et plus gais. Ce contraste acheva de le piquer. Je sais de trop dans ma famille, à ce que je puis voir. Pour toute réponse, sa femme le prit à part et lui exprima la nécessité d'éloigner Julien. Aussitôt après le dîner, on repartit pour Vergy. Mais dès le surlendemain, Julien vit revenir toute la famille à Verrières. Une chose étonnait Julien. Les semaines solitaires passées à Verrières, dans la maison de Monsieur de Rênal, avaient été pour lui une époque de bonheur. Il n'avait rencontré le dégoût et les tristes pensées qu'au dîner qu'on lui avait donné. Le bonheur serait-il si près de moi? La dépense d'une telle vie est peu de chose. Je puis à mon choix épouser Mademoiselle Elisa ou me faire l'associé de Fouquet. Mais le voyageur qui vient de gravir une montagne rapide s'assied au sommet et trouve un plaisir parfait à se reposer. Serait-il heureux si on le forçait à se reposer toujours? C'était « Le rouge et le noir », chronique de 1830, de Stendhal, feuilleton en 15 épisodes, adaptation Hélène Bleskin. 5e épisode, avec Simon Duprez, le narrateur, Damien Zanoli, Julien Sorel, François Kergourlet, Monsieur de Rênal, Vanda Benesch, Madame de Rênal, Philippe Lodenbach, l'abbé Chélan, Georges Bigot, Monsieur Valneau. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Armingue.